avec ma Pocahontas. Tu fais le là, je te demande pas pourquoi quand on te voit on trace. Pas de calibre à la taille, je fais pas le voyou dans la caille. Y'a personne qui donne la graille. Je pars chasser l'esprit à taille comme un gosse, gosse, gosse. Faut les persos, ils savent pas faire une passe. Passe, passe, passe, passe. Bolide fait du bruit, les chiens aboient quand je passe, passe, passe. Tu chantes sur net, après tu vas bégayer comme une tasse. Tasse, tasse. J'en ai tes macs, je sais pas si d'en prendre un schlass. Schlass, schlass. Ah, ah, ah. Fais moins d'air, j'mets le siège chauffant. J'ai fait le pito dans la caisse parce qu'il y avait trop de vent. Fais moins d'air, j'mets le siège chauffant. J'ai fait le pito dans la caisse parce qu'il y avait trop de vent. J'navigue entre les coups de crasse et le succès. J'ai fait le béton dans la caisse parce qu'il y avait trop de vent.